Y a des noms qu'on ne fait. Et y a Writer's Guild. Gravez-les dans la pierre. Et chaque ligne, c'est Writer's Guild. Chaque impact, c'est son feu. Quand je rappe, je signe mon blast comme un vœu. Il parle fort, je parle peu. Writer's Guild les met à genoux. Même l'écho dans l'église connaît mieux mon nom que vous. Writer's Guild frappe, Writer's Guild plane. Writer's Guild met ses ennemis dans la panne. T'as pas de place ici si tu trembles. Quand je prie, c'est pas doux. C'est sang sur l'enclume qui tremble. Writer's Guild, c'est pas un pseudo, c'est un code. C'est le nom que les traîtres murmurent avant que ça explose. J'ai mis ma foi dans mes balles et mes balles dans le beat. Et chaque bar, c'est Writer's Guild qui leur écrit le verdict. J'suis béni, j'suis maudit, j'suis le feu dans le froid. Writer's Guild marche droit, même les anges regardent en bas. On m'oublie pas, on m'évite. Et quand j'passe, c'est Writer's Guild qui cite. Writer's Guild dans leur cauchemar. Writer's Guild dans leur mémoire. Writer's Guild sur chaque mur, chaque balle, chaque victoire.